tous, c'est Tibulus, le lutin du Père Noël. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est le dénouement. On va ouvrir la dernière case du calendrier de l'Avent. C'est la case 24. Et je sens que ça s'amuse derrière cette case. Alors vite, ouvrons-la. Oh, mais il y a plein de monde, c'est trop bien. Je vais m'approcher des personnes qui ont contribué à ce que la fête soit une vraie réussite. Alors, Mère Noël, quel est votre état d'esprit en ce jour de réveillon ? Je suis très heureuse et de voir toutes les lumières dans les yeux de tous ces petits-enfants, je suis vraiment très très heureuse quand ils vont ouvrir leurs cadeaux. On vous souhaite un super réveillon en tout cas. On va traquer de toute façon tout à l'heure. Ah bah, j'ai hâte. Ah oui. Allez, on continue de se balader entre les petits fours, les boissons pétillantes. C'est trop sympa ce réveillon. Oh tiens, un ami qui a participé au podcast. Un de mes lutins préférés. Salut Matou. Salut. D'ailleurs, j'ai un truc à vous dire. Passez un joyeux Noël et j'espère que tout le monde n'a pas été trop sage. C'est vrai que les lutins sont connus pour faire des bêtises. Oui, il n'y a pas que les lutins qui font des bêtises, les adultes aussi. Oh, ça tu as raison, les adultes aussi. Allez, tiens, je te donne un bout de gâteau, je crois que t'aimes bien. C'est où ? Citron. Ah, c'est ton gâteau préféré. Quand il y a eu ton anniversaire pendant le podcast, je sais que tu t'es régalé. Allez, Chin ! Chin ! Et joyeux Noël encore ! C'était pour vous dire un joyeux réveillon de Noël avec la famille. Quel beau message, Titou. C'est vraiment gentil de penser à tout le monde. J'ai adoré faire le podcast. C'était super. Je vais appeler quelqu'un et il va vous dire quelques mots. Appeler quelqu'un? Mais qui donc? Vous allez avoir la surprise. Allô, comment ça va? Bonjour, Titou. Salut, Père Noël. Ça se passe comment, la tournée des cadeaux? Je suis avec mes reines et on est en train de parcourir le monde avec tous les cadeaux. Et là, je commence par l'Australie, comme d'habitude. Ça se passe bien du coup tout à l'heure? Y a pas de problème? Aucun embouteillage dans le ciel, ça file droit. Et là, je suis exactement dans les temps, donc je suis très content. Bon courage, au revoir Père Noël. Ah, il est sympa le Père Noël, hein? Ouais, super gentil, comme la Mère Noël. Oh, mais qui vois-je? Elle est habillée de mille couleurs. Bonsoir, Canel. Bonsoir, Tibulus. Comment t'as trouvé cette période de l'avant-Noël? C'était bien. J'adore toutes ces lumières partout, les enfants avec le sourire, les marchés de Noël. Je suis fan. Et là, maintenant, c'est l'apothéose et on peut trinquer tous ensemble. La trinquons, alors? Dernière surprise, le feu d'artifice de Noël. Regarde par la fenêtre. Magnifique! Ah, t'es très fort, Tibulus, comme chaque année. J'aimerais quand même remercier tous les lutins qui ont très bien travaillé cette année pour faire plaisir à tous les grands-enfants et tous les petits-enfants. Oui, ne les oublions pas, ces petits bonhommes de l'ombre qui s'activent pour que la fête soit vraiment magique. Allez, on vous dit à l'année prochaine! Bisous, bisous à tout le monde, à tous les enfants et tous les grands!